sors la belle vie. Ça y est, ça m'a gavé. Je me noie dans les problèmes comme s'il en pleuvait. Je croise les keufs, ils voulaient juste la toffe, ils m'ont bluffé. Nous c'est au ski, c'est pas dans la coque qu'on va surfer. Sors une location, ce week-end y'a mariage. Ferait-il bondeur sous le bateau carré nage. Cette fille est bien là, combien au kilométrage. Pas beaucoup va savoir qui lui mettra. Parano ou j'en fais trop. Maintenant tu peux gagner simplement parce que t'en sais trop. Voiture chelou dans le rétro. J'suis parano ou j'en fais trop. Maintenant tu peux gagner simplement parce que t'en sais trop. Sors la belle vie, la liasse de la LV. Tous les jours le charbon tu vis en sachant que tu vas te faire lever. On a plaqué une Clio en SRV. J'ai perdu ma basket sans casque, j'aurais pu perdre ma cervelle. J'suis un rôdeur, j'vois si le shit est bon à l'odeur. Lui j'l'aime pas, c'est un brouteur. J'envoie des sons à toute heure. Tu peux me croiser en scooter. Moi j'suis pour pas les tubeurs. Moi j'suis pour pas les tubeurs. J'ai envie de baisser. Ouh, pourquoi stresser? J'ai dit vrai, j'ai blessé. Silence, comme s'il y avait un décès. J'vais monter au coulier. C'est toi qui décide. Toi tu sais tout. Si on t'écoute, tu es invincible. Mais là où j'réside, j'dirais même que t'es invisible. Quand y'a les Schmitt partout, c'est qu'à Marseille ça crible. Dans cette heure on cabre, ces vannes on arrive en crabe. Ça ignore pas grave, bientôt c'est l'heure des braves. Bravo. Prendo.